Bonsoir, messieurs, dames, bienvenue au Cirque Aquatique Magique. Cette émission qui est dédiée à la bonne musique. Et j'ai l'immense jouissance aujourd'hui de commencer le jour des élections. Alors, qui dit jour des élections dit grande mascarade politique, grand cirque, cirque terrestre. Et on commence avec la meilleure chanson de tous les temps pour expliquer le système dans lequel on vit. La pièce s'intitule « Le système ». Et c'est chanté par Onel Deveau. Alors, c'est Condré. Sortez vos bottes à vache. C'est à l'antenne de CKRL 89.1 et vous entendez la voix douce de François Gécouillard. Chers amis, laissez-moi prendre un tout petit peu de votre temps pour vous expliquer le bon petit système qu'on vit dedans. Moi, je vous dis, c'est bien pourri, puis il y a de la poudre en beau maudit. On sait plus quoi qu'ils croient, puis on sait plus qui. Ils nous disent qu'ils ont plus d'argent, puis en même temps, ils aident les autres pays. On dirait que ce soit bleu ou que ce soit rouge, on est toujours dans le rouge. Moi, j'ai décidé, je travaille pas l'hiver parce qu'il fait trop frais, je travaille pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Quand j'obtiens mon chèque, je vous paye la traite, et pour oublier tout, moi, je me pack moi tout. Je me casse pas la tête pour de l'argent, j'en ai pas besoin énormément. Pourvu que j'en ai assez pour me paqueter, et job en porte le restant. Ceux qui ont peur de travailler, de salir les mains ou bien les pieds, soyez certains que le gouvernement les fera bien vivre avec notre argent. Je travaille pas l'hiver parce qu'il fait trop frais, je travaille pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Quand je tire mon chèque, je vous paye la traite, et pour oublier tout, moi je me pack moi tout. La seule différence dans l'année entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas, ceux qui passent leur temps à rien faire, ils ont pièce de plus puis ils ont bien moins de misère. Quand j'ai rien à faire pour passer le temps, je vais sur le boulevard Hébert au Parlement. J'ai rien qu'à m'asseoir puis écouter, puis là j'ai des nouvelles pour le restant de l'année. Je travaille pas l'hiver parce qu'il fait trop frais, je travaille pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Quand je tire mon chèque, je vous paye la traite, et pour oublier tout, moi je me pack moi tout. Je passe bien plus de temps à la taverne que je passe chez nous avec ma femme, parce qu'en somme, je n'ai qu'une vie, et j'en profite en beau maudit. Pourquoi travailler pour gagner sa vie, pour payer des billes et donner à l'impôt? Ça serait bien plus facile d'être sur le BS et d'écouter chanter Onel Deveau. Je travaille pas l'hiver parce qu'il fait trop frais, je travaille pas l'été parce qu'il fait trop chaud. Quand je tire mon chèque, je vous paye la traite, et pour oublier tout, moi je me pack moi tout. Vous comprenez le système? Ils peuvent bien vouloir enregistrer les armes à feu. Eux autres, ils savent ce qui s'en vient. Ils ont tout empoché, puis là, ils nous disent qu'ils n'ont plus rien. Puis moi, je suis donc content de pas m'avoir fait instruire, parce qu'au fond de tout ça, je veux mourir le cœur net et les deux mains clean. Puis en même temps, Pour avoir du pouvoir, il faut être au pouvoir. L'élection, processus antidémocratique par définition. Un article d'Anarcho-syndicalisme numéro 115, décembre 2009, janvier 2010. S'il y a une chose dont les politiciens ne se lassent pas, c'est des élections. Pendant que Ségolène se met en jambe pour les présidentielles par une irruption tellement tonitruante que des membres de son parti parlent de psychiatrie lourde, les sarkozystes modifient les règles du jeu pour être sûrs d'emporter les régionales, et les affairistes font leur nid dans toutes les listes. Tout cela au nom de la démocratie, un sujet sur lequel ils entendent bien nous faire la leçon. Voyons donc ce qu'il en est. Le terme démocratie nous vient de la Grèce antique. Lorsque la démocratie est née, l'idée de représentation est totalement absente de la philosophie et de la pratique de la Grèce ancienne. Le principe de l'élection était considéré comme aristocratique. Eh oui, selon le constat des inventeurs de la démocratie, l'élection est la pratique exactement opposée à la démocratie. L'élection est par essence aristocratique, puisqu'il s'agit non de désigner quelqu'un d'égal à un autre, mais de choisir quelqu'un supposé meilleur, supérieur aux autres. C'est pourquoi les magistrats de la cité antique ne sont pas élus, mais, pratique démocratique oblige, tirés au sort. Quelques-uns seulement, pour des fonctions exigeant une compétence toute particulière, sont élus. Mais ils ne sont jamais considérés comme des représentants des citoyens, et leurs charges sont soumises à rotation régulière. D'ailleurs, tout magistrat peut à n'importe quel moment dans l'exercice de ses fonctions être mis en cause pour des raisons de fond et de forme et révoqué. Le mouvement ouvrier fera de même avec ses délégués durant la commune, dans les soviets, dans les collectivités, les organisations anarcho-syndicalistes. Mais la démocratie, ce n'est pas que cela. Refusant les représentants qui légifèrent et gouvernent en leur nom, les citoyens votent eux-mêmes les lois dans l'assemblée du peuple, l'ecclésia, où tous ont un droit égal à la parole, l'iségoria, et à la proposition de telle ou telle décision. Les citoyens y ont l'obligation de dire franchement ce qu'ils pensent à propos des affaires publiques. Les inventeurs de la démocratie ont également beaucoup réfléchi et trouvé des solutions à la relation peuple-expert. Si les Athéniens reconnaissaient l'expertise, c'était toujours par rapport à une activité spécifique, comme la construction d'un temple, d'un bateau. Mais celui qui disait « moi je suis un technicien dans les affaires du gouvernement » ne récoltait que des rires. D'autre part, pour les Grecs démocrates, aucun expert ne saurait se juger lui-même, et le juge de l'expert n'est jamais un autre expert mais l'utilisateur. Le juge de ce qu'est une bonne armure, ce n'est pas l'armurier, mais l'hoplite qui va s'en servir. Il n'est que trop facile d'opposer cette vue concernant l'expertise à celle qui prévaut chez les modernes. L'idée dominante aujourd'hui, c'est que les experts doivent être jugés par d'autres experts. Cette idée va de pair avec une autre, qu'il existe des experts politiques. Ce n'est pas le nom qu'on leur donnera, mais nos prétendus politiciens se présentent et sont élus en tant que spécialistes de l'universel, techniciens de la totalité, ou peu s'en faut. Il va de soi que c'est la dérision même de l'idée de démocratie. On justifiera le pouvoir des politiciens par l'expertise politique qu'ils seraient les seuls à posséder, et on appellera ensuite la population, qui par définition est non experte, à choisir entre ces experts. Dernière réflexion utile que nous puisons toujours chez les inventeurs de la démocratie, celle qui concerne le couple population-État. Le terme État n'existe pas en grec ancien. Il n'y a pas d'appareil d'État séparé de la communauté politique et qui la domine. Ces trois points fondamentaux sur lesquels la contradiction est totale entre les pratiques des États d'aujourd'hui et celles des inventeurs de la démocratie permettent d'affirmer que ce qu'on nous vend aujourd'hui comme étant de la démocratie représentative est à la véritable démocratie ce que McDonald's est à la gastronomie. Loin d'être une démocratie, notre société est une oligarchie élective et plus ou moins libérale. Dans les faits, dans la réalité, dans le quotidien, les élus qui disposent du pouvoir ne sont même pas les meilleurs. Ils sont surtout les rejetons de familles installées qui se croisent et s'entrecroisent, vivent entre elles et constituent ainsi une oligarchie opaque. Cette pseudo-élite qui pullule dans la haute bureaucratie du gouvernement, des partis, des syndicats, des grosses entreprises, on ne compte pas ceux qui passent avec aisance de l'une à l'autre, constitue une véritable aristocratie. C'est parmi elles, et elles seulement, à de rarissimes exceptions près, que le pouvoir choisit les leaders. Par ce que Cornelius Castoriadis appelle les règles du jeu de l'appareil bureaucratique, de l'appareil partisan. Reste au commun des mortels un vague veto électoral, plus fictif que réel, pour la simple raison que le jeu est truqué, parce que les choix offerts aux électeurs sont toujours prédéterminés. Hector. Les réflexions ainsi que les citations sont puisées dans l'œuvre de Cornelius Castoriadis, en particulier son séminaire à l'EHESS, Ce qui fait la Grèce de Cité et Loi et les enjeux actuels de la démocratie. Il ne s'agit pas de prendre l'Athènes du 5e siècle comme un modèle démocratique absolu. Cela n'aurait aucun sens, d'autant plus qu'étaient exclus de la communauté politique les femmes, comme en France jusqu'en 1945, les métèques, comme c'est le cas encore chez nous, et les esclaves, et que l'inégalité sociale entre les citoyens était profonde. Cependant, même avec cet art, la civilisation athénienne a inventé la démocratie, l'a longuement pratiquée et réfléchie. Il est donc logique de s'y référer quand c'est de démocratie qu'on cause. Fuck you, astite frisé, aux élections tu vas décrisser. Est-ce que ce sera bien le cas? Oh, rien n'est de moins sûr. Tout est mélangé. D'ailleurs, Ornel Levaux le disait. On sait plus qui. Il dit ça au début de sa chanson. Alors, bloc de départ pour ce départ des élections. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu? Hostile frisé de Shy Shit, Dark Shit of Death et Unexpect. Vous avez compris que c'était de la musique de poil. Il y a deux groupes là-dedans là, qui ont des. Il y a le mot shit dans leur nom. Alors ça va bien. Probablement la meilleure chanson. Vous savez qu'il y a à peu près une chanson par jour qui est sortie sur la grève étudiante, le conflit social. Et à mon avis, là, je suis désolé, mais celle-là, je pense que c'est la meilleure. Une collaboration de trois groupes métal, c'est rare d'habitude que ça, des collaborations, ça fonctionne bien. Cette fois-ci, bravo. Refrain accrocheur, bravo. On a entendu un gars qui parlait de démocratie, donc je suis un auteur anonyme, élection antidémocratique. C'était la lecture d'un texte d'un anarcho-syndicaliste. Et O'Neill Devaux faisait le système. O'Neill Devaux, qui était cet homme? Enfant d'une famille de 13 enfants, Son papa jouait du violon, sa mère chantait et se faisait aller la glotte. Oh là là là là! Et O'Neill a commencé à chanter dès l'âge de 5 ans. Il a continué toute sa vie. Je pense son plus gros hit, c'est une chanson qui s'appelle Le Prisonnier. D'ailleurs, il a ouvert un... Il appelle ça un club de nuit en 1990 qui s'appelait Le Paradis du Prisonnier. Alors, vous comprenez le concept. Travailleur de la construction. Ses influences musicales, bon, on pense à La Bolduc. Mel Haggard. Est-ce que vous connaissez Mel Haggard? C'est lui qui a fait la chanson Hockey from Muskogee. C'est une chanson anti-hippie. Absolument extraordinaire. Autre inspiration, Hank Williams, Jim Reeves, Jimmy Rogers. Alors, voilà le personnage de O'Neill DeVoe. Sinon, ben, élection, on continue. On va écouter une pièce de Félix-Antoine Bérubé et Ellen Matt. La pièce s'intitule « Les pieds dans le plat politique ». Chambre commune, les ministres de décibels chient les décrets hermétiques des chartes castrées. Droit de droite, la constitution bureaucrate constipe. Cuisine étatique des pâtissiers d'influence, promesse de blanc manger, mangeons nos bas, bas Canada, au Canada, au capitaux, caporal. Ma main se ferme. Flux saignant, peloton militaire au caillot des canons, les membres éclatent sous l'obus des finances, les médailles greffées à l'uniforme clinquant. L'arme à secousse au parterre plat des consciences, les jardiniers aux pétales de chair bêche déracinent le fleuron populaire. Mon poing se serre. Lactose occidentale, aveugle devant le menu principal, l'individu emprunte des chemins confis, décline du frontispice social. Passant au dessert sans l'entrée en matière, il décore d'un bouquet d'artifices sa table, sous laquelle on se paie sa gueule anonyme. Mon poing se serre, mon poing se lève. À la fin, on va avoir maire Régis Labeaume comme maire, avec une équipe majoritaire de son côté à l'hôtel de ville, et quelques indépendants, puis peut-être 3-4 RMQs qui vont rester dans, à travers de ça. Ça vaut ça la peine de faire une élection? Si on gèle le jeu maintenant, là, on l'a le conseil de ville. Là. Il est déjà là. Ça arrivera jamais. Mais c'est pas bête, mais ça arrivera jamais. Peux-tu s'il vous plaît arrêter de dépenser? Je suis tanné de payer. C'est juste ça. Là. J'ai l'impression que ça va être... Chers amis, ce soir, je vais répondre à une objection qu'on nous fait quelquefois dans les maisons. C'est celle-ci. Vous mêlez la religion avec la politique. Eh bien, oui, justement. Nous mêlons la religion avec la politique. Mêler, c'est possible. Mais nous voulons mettre la religion dans la politique. Et ceux qui nous en font un reproche, eh bien, il me semble qu'ils parlent comme les communistes. Justement, les communistes voudraient qu'on mette le bon Dieu hors de tout, hors de partout. En dehors, le bon Dieu des parlements, en dehors des syndicats. Vous savez qu'on avait des syndicats confessionnels dans la province de Québec, et puis on a ôté la religion de dedans. Il faut mettre maintenant, paraît-il, le bon Dieu hors des écoles. On appelle ça le laïcisme. Eh bien, justement, nous voulons, nous, mettre le bon Dieu dans la politique où le bon Dieu n'est pas dans la politique. Quasiment déjà dit que Régis Labeaume sera le prochain maire de Québec, ce qui me fait poser la prochaine question. Tant qu'à être rendu là, là, pourquoi est-ce qu'on dépense de l'argent pour une campagne électorale? Mais c'est en plein ce que j'allais dire. S'il n'y a pas de candidat, y a-tu moyen d'annuler ça? Ben, ça se fait du coup. Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant, de plus scandaleux que de ne pas croire en la démocratie? Et pourtant, moi-même, quand on me demande « êtes-vous démocrate ?», je me tâte. Attitude révélatrice dans la mesure où, face à la gravité de ce genre de questions, la décence voudrait plutôt que l'on cessât de se tâter. Un ami royaliste me faisait récemment remarquer que la démocratie était la pire des dictatures parce qu'elle est la dictature exercée par le plus grand nombre sur la minorité. Mais oui, réfléchissez-y une seconde, c'est pas idiot. Pensez-y avant de reprendre inconsidérément la Bastille. Alors qu'en monarchie, absolue notamment, la loi du prince refuse cette attitude discriminatoire puisqu'elle est la même pour les pour et pour les contre. Vous me direz que cela ne justifie pas qu'on aille dépoussiérer les bâtards d'Orléans ou ramasser les débris de Bourbon pour les poser sur le trône de France avec la couronne au front, le sceptre à la main et la plume où vous voudrez, je ne sais pas faire les bouquets. Mais convenez avec moi que ce mépris constitutionnel des minorités qui caractérise les régimes démocratiques peut surprendre le penseur humaniste qui sommeille chez tout cochon régicide. D'autant plus que, paradoxe, les intellectuels démocrates les plus sincères n'ont souvent plus d'autre but, quand ils font partie de la majorité élue, que d'essayer à tout prix d'appartenir à une minorité. Dans les milieux dits artistiques, où le souci que j'ai de nourrir ma famille me pousse encore trop souvent à sucer des joues dans des cocktails suintant de faux amours, on rencontre des brassées de démocrates militants qui préféreraient crever plutôt que d'être plus de 12 à avoir compris le dernier Godard, et qui méprisent suprêmement le troupeau de leurs électeurs qui se pressent aux Belmonderies boulevardières. Parce que ça aussi, c'est la démocratie. La démocratie, c'est la victoire de Belmondo sur Fellini. C'est aussi l'obligation, pour ceux qui n'aiment pas ça, de subir à longueur d'antenne le football et les embrassades poilues de ces cro-magnons décérébrés qu'on a vus s'éclater de rire sur le charnier de leurs supporters. La démocratie, c'est aussi la loi du top 50 et des mamas gloussantes reconverties en dondons tisanières. La démocratie, c'est quand Lubitsch, Mozart, René Char, Reiser ou les batailleurs de chez Polak ou n'importe quoi d'autre qu'on puisse soupçonner même de loin d'intelligence est reporté à la minuit pour que la majorité puisse s'émerveiller dès 20h30 en rotant son fromage du soir sur le spectacle irréel d'un béat trentenaire figé dans un sourire définitif de figue éclatée et offrant des automobiles clés en main à des pauvresses arthritiques sans défense et dépourvues de permis de conduire. Cela dit, en cherchant bien, on finit par trouver au régime démocratique quelques avantages sur les seuls autres régimes qui lui font victorieusement concurrence dans le monde actuellement, ceux si semblables de la schlag en bottes noires ou du goulag rouge étoilé. D'abord, dans l'un comme dans l'autre, au lieu de vous agacer tous les soirs entre les oreilles, je fermerai ma gueule en attendant la soupe dans ma cellule aseptisée. Et puis aussi, dans l'un comme dans l'autre, chez les drapeaux rouges comme chez les chemises noires, les chefs eux-mêmes ont rarement le droit de sortir tout seuls le soir pour aller au cinéma du coin bras dessus, avec la femme qu'ils aiment. Les chefs des drapeaux rouges et les chefs des chemises noires ne vont qu'au pas cinglant de leurs bottes guerrières, le torse pris dans un corset de fer à l'épreuve de l'amour et des balles. Ils vont, tragiques et le flingue sur le cœur, ils vont, métalliques et la peur au ventre, vers les palais blindés où s'ordonnent leurs lois de glace. Ils marchent droit sous leurs casquettes, leurs yeux durs sous verre fumé, cernés de 20 gorilles par choc qui surveillent les toits pour repérer la mort. Mais la mort n'est pas pour les chefs des drapeaux rouges, ni pour les chefs des chemises noires. La mort n'est pas aux fenêtres des rideaux de fer, elle a trop peur. La mort est sur Stockholm. Elle signe d'un trait rouge sur la neige blanche son aveu d'impuissance à tuer la liberté des hommes qui vont au cinéma tout seuls, bras dessus, avec la femme qu'ils aiment jusqu'à ce que mort s'en suive. Les élections, si vous êtes parmi ceux et celles qui sont déjà tannés d'en entendre parler, eh bien, vous êtes au mauvais poste, car c'est le thème d'aujourd'hui au Cercle Aquatique Magique. Et on a entendu un bloc dans cette catégorie, les élections. On a entendu Pierre Desproges, qui nous faisait un sketch intitulé « La démocratie ». Après ça, on a entendu... un mixte, donc c'était une pièce de la série télévisée Le Prisonnier. Et la pièce s'intitulait « Number 6, Win the Elections ». Et c'était mixé avec le Crédit Social qui faisait un discours sur les élections. En fait, tu parlais de la religion dans la politique. Des beaux souvenirs. Et on a entendu Félix-Antoine Bérubé et Hélène Matte faire « Les pieds dans le plat politique ». C'est une sorte de slam. Qui est Hélène Matte? Donc, c'est une poète issue des arts visuels. Alors, sur son site, c'est marqué « Issue des arts visuels » qui dit « Une artiste plasticienne qui écrit ». Elle est auteure de nombreux articles sur l'art. Elle organise aussi des événements culturels. Et sa pratique est interdisciplinaire. Et elle compte à son actif plusieurs expositions de dessins et de performances en Europe, au Canada et ailleurs en Amérique. Et je vais vous lire le premier paragraphe de sa section « À propos ». J'ai absolument rien compris, alors je vais avoir l'air intelligent si je le dis. Je sais pas, tu sais, à radio, on essaie toujours d'avoir l'air intelligent à la radio. « Gestes éphémères, vieillissement du corps, fuite de l'oralité, désuétude du technologique, l'habilité du numérique. » Hélène Matte célèbre le passage de l'instant par une esthétique du deuil qui est parfois simplement celle de la contingence. De même, elle identifie sa démarche aux natures mortes, au déséquilibre et à l'impermanence que leurs objets suggèrent. Vous voyez, si je le dis de façon sérieuse, j'ai l'air de comprendre ce que je dis. Extraordinaire. C'est ça la magie de la radio. Le théâtre! Et on continue, évidemment, on parle d'élections aujourd'hui. On a les pieds dedans. Et on va écouter maintenant un bloc. On va écouter une pièce pour chaque parti. En fait, quatre partis politiques. Comme une pièce qui m'inspire le parti. Et on va y aller en ordre de selon les sondages. Lequel le parti est le plus populaire au début des élections? Eh bien, il semble que c'est le PQ. Alors, on va écouter une pièce de Raymond Lévesque, hein, évidemment. Toujours lui. Avec sa pièce Québec, mon pays. Alors, c'est la pièce hommage au PQ, puis après ça, on va écouter hommage au PLQ, etc., etc., etc. Vous avez compris le concept? Oh là là! C'est parti! Alors, monsieur, je vous remercie. Je vais terminer avec une chanson. Vous pourrez peut-être chanter avec moi. C'est la chanson qui fait suite à prendre un verre de bière Bobilou. Et ça s'intitule Québec, mon pays. Vous pourrez chanter. Vous allez voir, le refrain n'est pas compris. Puis pour la voix, ben, vous faites comme moi. Merci beaucoup. Ah, voilà. Ça s'intitule Québec, mon pays. Vous allez en chemin, on va la prendre. Quand j'étais en Colombie, en visite chez des amis, je voulais acheter un cadeau pour donner à ma Margot. Je fais le tour des magasins, cherchant quelque chose en castor. Mais comme parlait Calaillé, partout on me sacra dehors. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec qui est mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec qui est mon pays. Quand j'étais en Alberta, où je vendais des sofas, je me suis intéressé aux Québécois immigrés. J'ai soupé chez des Berniers, qui m'ont raconté si bol que là-bas nos écoliers ont pas droit à leurs écoles. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec est mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec de mon pays. Quand j'étais en Saskatchewan, où je bâtissais des cabanes, j'ai rencontré une fille qui semblait simple et gentille. Je l'ai amenée à l'hôtel, j'ai descendu mes bretelles, elle est partie en courant, c'est pas de même au lac Saint-Jean. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. Quand j'étais au Manitoba, à 40 comme soldat, forcément on s'entraînait, seulement rien qu'en anglais. Mais le soir à la cantine, devant une petite bière, si on parlait français, Colin, ça faisait toute une affaire. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. Quand j'étais en Ontario, où je coupais du boulot, je travaillais aussi fort que les Anglais, les tabouers. Puis un jour j'ai découvert que pour le même travail, moi on me payait moins cher pour me traiter comme du bétail. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec est mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec est mon pays. Quand je suis revenu au foyer, j'ai ouvert la radio, j'ai entendu Claude Léveillé qui chantait dans un sanglot. Partout ça parlait français, partout le monde était fin, personne ne m'insultait. Maudit que je fis la paix. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. C'est alors que j'ai compris, c'est Québec que mon pays. Merci beaucoup.

Arthur, où t'as mis ton corps? Bah, j'ai plus de corps, les gars. Arthur, as-tu du cœur? Belote, les gars. Rebelote et 10 de d'air. Oh. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh, la vache, Arthur. Qui a appelé en disant qu'il n'aimait pas la police. Moi, la police, elle n'est pas peur, puis il ne m'écœure pas. C'est-tu pourquoi le colon? Parce que je respecte les lois du colon. And now, ladies and gentlemen, the Milton Friedman Choir. Milton Friedman Corporations says corporations have no social duty. Except to those who own their stock, the corporation really has no choice. Milton Friedman Corporation says corporations are immoral. Corporate conscience is impossible. Ces modes de relations humaines sont tout à fait indéfendables. Une des raisons pour laquelle les anarchistes s'opposent au marché aujourd'hui, c'est à cause de la puissance extraordinaire qu'occupent ces corporations qui viennent complètement falsifier le jeu du marché. En tout cas, si quelqu'un rêvait d'un mécanisme de marché pour réaliser l'égalité et la liberté, tout ce qu'entraîne de hiatus et de faux dans le jeu du libre marché, l'existence de ces corporations-là, rend impossible de maintenir ce projet. L'insurgé souverain, non, c'est l'homme qui n'est plus la bête de somme, qui n'obéit qu'à la raison et qui marche avec confiance, car le soleil de la science se lève rouge à l'horizon. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. On peut le voir aux barricades, descendre avec les camarades, riant, blaguant, risquant sa peau. Et sa prunelle décidée s'allume aux splendeurs de l'idée, au reflet pourpré du drapeau. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgésie chargée. Il comprend notre mère aimante, la planète qui se lamente sous le joug individuel. Il veut organiser le monde pour que de sa mamelle ronde coule un bien-être universel. Devant toi, misère sauvage, devant toi, pesant esclavage, l'insurgé se dresse, le fusil chargé. L'insurgé se dresse avec le fusil chargé. De tiré d'un album intitulé Chansons historiques de France, une chanson de 1884 que je dédie à Québec solidaire. Évidemment, c'est une joke, hein, vous l'avez compris. Donc, bloc conseil, j'ai dédié une toune à chaque parti politique. L'insurgé était pour Québec solidaire. La chanson du Milton Friedman Carr, qui s'intitulait The Corporation, était dédiée à la CAQ. Voilà, je suis un peu exagéré, là. C'est pas vraiment des libertariens, quoi, qu'il y a beaucoup de transfuges de la DQ et que la radio poubelle capote sur la CAQ. Alors, il y a un petit côté quand même libertarien. Mettons un vernis ou une mixture, une épice. La chanson Arthur ou Tammy le Corps, interprétée par Serge Reggiani, je la dédie au PLQ. Ah, c'est l'histoire de trois mafieux qui cherchent une place pour. Ils cherchent le corps qui est. du cadavre. Le cadavre du gars qui ont descendu. Et puis ils l'ont perdu, puis ils veulent le retrouver. C'est une chanson de Boris Vian. Extrêmement. Une interprétation spectaculaire de Serge Reggiani qui change de voix comme ça avec une grande aisance. Impressionnant. Des belles voix pour de ça. Avec... En tout cas. Et, évidemment, Raymond Lévesque faisait Québec, mon pays. Je dédie cette chanson au PQ qui est en avance dans les sondages. Si je regarde les sondages qui sont sortis aujourd'hui, Léger Marketing ont sorti les résultats. Donc, intention de vote au provincial. PQ 33%, PLQ 31%, la CAQ 21% et QS 7%. Et c'est pas fort pour QS, là, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas augmenté depuis les dernières élections, ou à peine, ben, de quelques points. Alors, ping, ping. Et vous, pour qui voterez-vous? Et d'ailleurs, il y a Jean Charest qui est passé à Québec il y a environ une demi-heure. Il a été accueilli par une trentaine de manifestants. Alors, c'est ça qu'il faut faire pendant les élections. Hein. Faut accueillir décemment notre cher leader. Pour qui allez-vous voter, vous? Si vous allez voter. Si vous avez déjà fait votre choix, puis que, bon, vous êtes des zélotes de la petite démocratie de l'urne du bulletin de vote dans l'urne, et que vous êtes décidé, pour vous, les élections, c'est la démocratie, il n'y a rien à faire, tout le bien va sortir de ça, de cette opération, ben, je peux rien faire pour vous. Par contre, si vous vous demandez, mon Dieu, que dois-je faire?